Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. Let us pray right away. Prions immédiatement. Mighty Father, puissant Père, the Creator of Israel, le Créateur d'Israël, the God of Elijah and Moses, le Dieu d'Élie et de Moïse, Mighty Father, puissant Père, you who is the God of Abraham, toi qui es le Dieu d'Abraham, Isaac and Jacob, Isaac et Jacob, Father today, Père aujourd'hui. We are gathered here. Nous sommes rassemblés ici. To seek you. De chercher. To seek your counsel. De chercher tes conseils. Mighty Father. Puissant Père. At this place. À cet endroit. These people. Ce peuple. They are hungry for you. Ils ont faim de toi. They are longing for you. Ils aspirent à toi. That you may visit them. Afin que tu les visites. Precious Father. Précieux Père. This nation. Cette nation. Belongs to you. T'appartient. And so today. Ainsi aujourd'hui. I release your hand. Je libère ta main. That you may visit these people. Afin que tu visites ce peuple. In a mighty way. De manière puissante. In a tremendous way. De façon extraordinaire. That you may leave them with a testimony. Afin que tu les laisses avec un témoignage. Precious Lord. Précieux Seigneur. Many sick people here. Il y a beaucoup de personnes malades ici. That they may get a testimony here. Qui puisse avoir un témoignage ici. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Let us clap. What a blessing. Quelle bénédiction. To come to your city. De venir dans votre ville. At this hour. À cette heure ici. In the history of the church. Dans l'histoire de l'église. Precious people. Précieux peuple. I come to you. Je suis venu à vous. In the name of the Lord. Au nom du Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. And I bring you the good news. Et je vous amène la bonne nouvelle. The news about the coming of the Messiah. La nouvelle sur la venue du Messie. Listen to me. Écoutez-moi. The Lord spoke. Le Seigneur a parlé. About this hour. Au sujet de cette heure-ci. He said. Il dit. Time is over. Il n'y a plus le temps. Time is finished. Le temps est fini. That at this time, et qu'à ce moment-ci, Jehovah, l'Éternel, is visiting nations. Il est en train de visiter les nations. At this hour, à cette heure-ci. Alléluia. Alléluia. Precious people. Précieux peuple. Listen. Écoutez. I want to share a message. Je vais partager un message. I want to share. Je vais partager. The vision of May 3rd. La vision du 3 mai. 2007. 2007. Listen. Écoutez. On May 3rd. Le 3 mai. The Lord. Le Seigneur. The God of our Lord Jesus. Le Seigneur de notre Seigneur Jésus Christ. He spoke with me. Il a parlé avec moi. About the coming of the Messiah. Sur la venue du Messie. Listen. Écoutez. In that vision. Dans cette vision là. Heaven opened. Le ciel s'est ouvert. Into the dark sky. Dans le ciel qui était noir. And when heaven opened, et quand le ciel s'est ouvert, I saw the glory beginning to come down. J'ai vu la gloire commencer à sortir from heaven du ciel into the dark sky. Sur le ciel qui était ténébreux. Everybody focus on me now. Tout le monde regardez-moi maintenant. Right now. Maintenant regardez ici. I am going to demonstrate. Je vais vous démontrer. When the glory began to come down, quand la gloire commençait à descendre, then all of a sudden, et puis soudainement, a golden clock, an horloge en or, was lowered, a descendu from heaven, du ciel, repeat. Laissez-moi répéter. Heaven opened. Le ciel s'est ouvert. The glory began to come. La gloire a commencé à descendre. Heaven opened. Le ciel s'est ouvert. The glory begins to come out. La gloire a commencé à descendre. Into the dark sky. Dans le ciel qui était noir. Then all of a sudden. Alors soudainement. This is what happened. Regardez ce qui est arrivé. A golden clock, a huge golden clock. Un grand horloge en or. Was lowered. Est descendu. From heaven to the sky. Du ciel sur les firmaments. Like this. Comme ça. Everybody. Regardez. Like this, this. C'est descendu comme ça là. Shaking like this, this. Ça secoue comme ça. And I remember. Et je me rappelle. In that vision. Dans cette vision. When I looked at the face of the clock in the sky. Quand je regardais la face de l'horloge au ciel. When I looked at the face of the clock. Quand je regardais la face de l'horloge. I panicked. J'ai paniqué. In the vision, I panicked. Dans la vision, j'ai paniqué. Why? Pourquoi? Because. Parce que. When I looked at the hour hand. Quand je regardais. L'aiguille de l'heure. Of the clock of heaven. De l'horloge au ciel. The hour hand. L'aiguille de l'heure. I saw that it was standing like this. Je vis que c'était comme ça là. But. Mais. When I looked at the minute hand. Quand je regardais. L'aiguille de la minute. I saw that it was very close. J'ai vu que c'était très proche. It was reading. C'était. 1 minute to midnight. 1 minute avant minuit. And when I looked at the long red second hand. Et quand j'ai regardé la aiguille des secondes qui étaient rouges. I saw it was moving so fast like this. J'ai vu que ça descendait rapidement comme ça. And the Lord made me know. Et le Seigneur m'a fait comprendre. That when it strikes midnight. Et quand ça sera minuit juste. The Messiah comes. Le Messie vient. So I panicked. Alors j'ai paniqué. I panicked. J'ai paniqué. He told me. Il m'a dit. That when it strikes midnight. Quand ça sera minuit juste. The Messiah comes. Le Messie arrive. I panicked. J'ai paniqué. I trembled in the vision. Dans la vision, j'ai tremblé. And then, alors, the golden clock in the sky, l'horloge en or dans le ciel, changed, a changé, and became a big writing across the sky, est devenu une grande écriture au ciel. In two ways, the outer writing, the inner writing, semicircle, en demi, en dimension. La demi-cercle au-dessus, une demi-cercle en dessous. In the dimensions of the clock, dans la dimension de l'horloge, two writings, deux écritures, the outer writing, the inner writing, l'écriture en haut, l'écriture en bas, semi-circle, un demi-cercle. And then, alors, when I looked at what is written, quand j'ai regardé ce qui était écrit là-bas, this is what is written, écoutez ce qui est écrit, the outer one, the bigger writing, la grande écriture qui est au-dessus, in capital letters, en lettres capitales, it said, ça disait, Jesus of Nazareth, Jésus de Nazareth, Jesus of Nazareth, Jésus de Nazareth, the inside one said, ce qui était à l'intérieur disait, is coming, est en train de venir. Is coming, est en train de venir. The clock, l'horloge, changed, a changé, and became a big writing, est devenu une grande écriture, that says, qui disait, Jesus of Nazareth, Jésus de Nazareth, is coming, vient. And I remember, je me rappelle, when I woke up, quand je me suis réveillé, I began running. J'ai commencé à courir. All over the earth. Sur toute la terre. Announcing the coming of the Messiah. Annonçant la venue du Messie. Until today. Jusqu'à aujourd'hui. I am here. Je suis ici. Until today. Jusqu'à aujourd'hui. I am here. Je suis venu ici. Running to South America. Courant en Amérique du Sud. Europe, Australia, Canada, New Zealand. En Australie, au Canada. Africa. En Afrique. Asia. En Asie. Until today. Jusqu'aujourd'hui. That announcement. Cette annonce has entered both moi. Éternité point de noir. What manner of love? Quel manière d'aimer? Listen to me now. Écoutez-moi maintenant. Now. Maintenant. What is the message to the church? Quel est le message pour l'église? When the Lord showed me. Quand le Seigneur m'a montré. The vision of the midnight clock. La vision de l'horloge de minuit. What is the message to the church? Quel est le message pour l'église? Listen to me. Écoutez-moi. The Bible says. La Bible dit. Number one. Premièrement. That nobody knows the day or the hour. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Nobody knows the day or the hour. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Not even the Messiah. Même pas le Messie. Not even the angels. Même pas les anges. Then why? What did he say? Alors quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Then what is the message? Quel est le message? Listen. Écoutez. When you go to the Bible. Quand vous allez dans la Bible. The Bible speaks about the midnight hour. La Bible parle de l'heure de minuit. And the Bible says, et la Bible dit, in the Old Testament, dans l'Ancien Testament, that the children of Israel, que les enfants d'Israël, when they were in trouble, quand ils étaient dans le trouble, in problem, dans le problème, serious, dans les sérieux problèmes, slavery, dans l'esclavagisme, and they cried to the Lord. Et ils ont crié au Seigneur. The Lord spoke to Moses. Le Seigneur a parlé à Moïse. Go tell the children of Israel. Va dire au peuple d'Israël. That I have heard their cry. Que j'ai entendu leur cri. And I have decided. Et j'ai décidé. That I am willing to deliver them. Que je veux les délivrer. I am willing. Je veux. I have decided in heaven. J'ai décidé au ciel. That I must now deliver Israel. Que maintenant, je dois délivrer Israël. And he said. Et il dit. But however. Malgré ça. Go and tell the house of Jacob. Va dire à la maison de Jacob. That if I come. Que si je viens. To deliver them. De les délivrer. At the midnight hour. À l'heure de minuit. They must prepare to receive the midnight hour. Ils doivent se préparer pour recevoir. L'heure de minuit. And he said, et il dit, there are specific instructions on how to prepare for midnight. Il y a des instructions spécifiques comment se préparer pour l'heure de minuit. Number one. Premièrement. He said, il dit ceci. Tell them to look for a perfect lamb. De chercher un agneau parfait. To look for a perfect lamb. De chercher un agneau parfait. Without defect. Sans défaut. He said. Il dit. At midnight hour. À l'heure de minuit. Nothing else matters. Peu importe ce que tu as fait avant. Nothing will be important. Il n'y aura rien qui sera encore important. When the midnight hour arrives. Quand l'heure de minuit arrive. It will not matter. Ce sera peu important. For how long. Pour combien de temps. You have been worshipping there. J'étais là en train d'adorer. He said no. Il dit non. It will not matter. Ça ne comptera pas. How many churches? Combien d'églises? You have raised. Tu as bâti. He said. Il dit. It will not matter. Ça ne comptera pas. How many people? Combien de gens? You have baptized. Tu as baptisé. It will not matter. Ça ne comptera plus. Then he said. Alors il dit. However. Malgré ça. When the midnight hour strikes. Quand l'heure de minuit frappe. They should get. Ils doivent avoir. Before the midnight hour. Avant l'heure de minuit. Before it strikes. Avant que minuit arrive. 1 minute to midnight like this. 1 minute avant minuit. Very close. Très proche. To midnight. À minuit. They should get a perfect lamb. Ils doivent avoir un agneau parfait. Without defect. Sans défaut. And sacrifice. Et sacrifier cet agneau. And take. Et prendre. The perfect blood. Le sang parfait. Of the perfect lamb. De l'agneau parfait. And cover themselves. Et les couvrir sur eux. When the midnight hour comes. Quand l'heure de minuit arrive. And Jehovah sees the perfect blood. Quand Jehovah va voir le sang parfait. Of the perfect lamb. De l'agneau parfait. Covering you. va vous délivrer. Une porte noire. À porte noire. Listen. Écoutez-moi. He says. Il dit. The only way to prepare. La seule chose pour préparer. In Israel, en Israël, for the midnight hour, pour l'heure de minuit, is to take the blood, c'était de prendre le sang, of the lamb without defect, de l'agneau sans défaut, the lamb without blemish, l'agneau sans cicatrice, and to cover yourself, et de vous couvrir, on the doorpost, sur la porte de l'endroit, on the doorframe, sur le plateau de la porte, he said. It is, when the midnight hour strikes, quand l'heure de minuit arrive, nothing else matters. Il n'y a plus rien qui compte à ce moment-là. Except seulement the perfect blood, le sang parfait, of the perfect lamb, de l'agneau parfait, without defect, sans défaut. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Listen, écoutez. The church, l'église, I see you, je vous vois, you are waiting for the midnight hour, vous attendez l'heure de minuit, but when you read the Bible, mais quand vous lisez la Bible, John chapter 1 verse 29, Jean chapitre 1 verset 29, when John saw Jesus coming, quand Jean a vu Jésus venir, he said hey, il a dit hey, he told the world, il a dit au monde, hey, hey, look, regardez, the perfect lamb, le l'agneau parfait of God, de Dieu, is coming, il vient. Alléluia, alléluia. Porte noire, porte noire. Good morning, bonjour, porte noire. It's a new morning, c'est un jour nouveau. Listen, écoutez. When John saw Jesus coming, quand Jean a vu Jésus venir, he says, behold, il dit, voici, the perfect lamb, l'agneau parfait, of God, de Dieu, that takes away the sin of man, qui ôte le péché du monde. Now, alléluia. This is important. C'est important. This is eternity. C'est l'éternité. Listen, écoutez. And then, alors, what is he saying to the church? Qu'est-ce qu'il dit à l'église? In other words, he's saying, en d'autres mots, il dit, that for a long time, pendant longtemps, the church, l'église, the pastors, les pasteurs, you have been covering the sheep, vous couvrez les brebis, with prosperity, avec la prospérité. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. The moment of truth. L'heure de vérité. The moment of truth has arrived. L'heure de vérité est arrivée. He says. Il dit. For a long time. Pendant longtemps. You have been covering the sheep. Vous êtes en train de couvrir les brebis. The sheep of Christ. Les brebis du Seigneur. The people of God. Le peuple de Dieu. With the things of the world. Avec les choses du monde. Alléluia. Alléluia. Listen. Écoutez. And he said. Et dit. In Goshen. À Goshen. It did not matter. Ça ne comptait plus. If you have been baking bread. Si tu faisais du pain. If you have been a butcher cutting meat. Si tu étais un boucher coupant la viande. If you have been a reverend there praying for them. Si tu étais un reverend là-bas priant pour eux. A shopkeeper. Un boutiquier. A farmer. Un fermier. A sweeper. Un laveur. Building the pyramid. Qui est en train de bâtir la pyramide. He say, il dit, all that will not matter. Toutes ces choses-là ne vont plus compter. But when the midnight hour comes. Quand l'heure de minuit arrive. Il dit, make sure. Soyez sûr. That you are covered by the blood. Que tu es couvert par le sang. And when I come. Et quand je viens, and see the blood, et je vois le sang, I will deliver you. Je vous délivrerai. However, malgré ça, I have an issue with you. J'ai un problème avec vous. I have a problem. J'ai un problème. He's asking. Il demande. He showed me the vision. Il m'a montré la vision. And sent me here. Il m'a envoyé ici. And told me to stand here. Il m'a dit de me mettre debout ici. And ask. Et de poser la question. Church of Christ au Congo. L'église de Christ au Congo. Pastors of Congo. Pasteur du Congo. Ever since you received Jesus. Depuis que vous avez reçu Jésus. Are you covered by the blood? Êtes-vous couvert par le sang? Hallelujah. Hallelujah. Why? Pourquoi? Why should I ask such a big question? Pourquoi je dois demander une si grande question? Let me tell you why. Laissez-moi vous dire pourquoi. The Lord is justified. Le Seigneur est justifié to ask de poser la question. Why? Pourquoi? Because parce que when the Messiah came, quand le Messie était venu, and went to Calvary, est allé à la croix de Calvaire, he became, il est devenu, the perfect Lamb of God, l'agneau parfait de Dieu, without defect, sans défaut, and because, et à cause, his perfect blood, que son sang parfait, has no defect, n'a pas de défaut, and because, et parce que, is the Son of God, il est le Fils de Dieu, without defect, sans défaut, when he poured the blood, quand il a versé le sang, on the mercy seat, sur le trône de miséricorde, and the seat of miséricorde, sur le siège de miséricorde, of the ark of the covenant, de l'arc de l'alliance, it became, c'est devenu, the ultimate sacrifice, le sacrifice ultime. Ultimate sacrifice. No other. Il n'y en a pas d'autre. No other. Il n'y en a pas d'autre. Ultimate. Ultime. Ultime. Listen. Écoutez. Ultimate means. Ultime, ça veut dire. That sacrifice. Ce sacrifice-là. Has the highest power. A la puissance la plus élevée. To remove you. De vous sortir. From the child of the world. Le monde aujourd'hui, to a child of heaven, de l'enfant du monde à un fils du royaume de Dieu, the child of darkness, le fils des ténèbres, to a child of light, à un fils de lumière, a slave to sin, esclave du péché, to the elect of God, à devenir élu de Dieu. There is no other, il n'y en a pas d'autre, no other sacrifice, il n'y a pas d'autre sacrifice. That means, ça veut dire, when you receive Jesus, quand vous recevez Jésus, he will change you. Il va vous changer. Your identity, votre identité, will change. Va être changée. But the question is this. La question est la suivante. The Lord is asking. Le Seigneur demande. Au Congo. Are you really covered by the blood? Êtes-vous couvert par le sang? Because parce que when the blood covers you, quand le sang vous couvre, everything about your identity changes. Tout ce qui concerne votre identité, ça change. How can you be born again? Comment pouvez-vous être né de nouveau? And you say, et vous dites, that you are covered by the blood, que vous êtes couvert par le sang, and yet you look like the world, et vous ressemblez au monde. How? Comment? How is that possible? Comment est-ce possible? How is it possible? Comment est-ce possible? That you can take, que tu peux prendre, the ultimate sacrifice, le sacrifice ultime, and then remain unchanged, et rester sans être changé. Non. Listen very carefully. Écoutez attentivement. Jesus, Jésus, came, il est venu, and went to the cross. Il est allé à la croix. Abused, abusé, tortured, torturé, everything, toutes choses. But then, alors, this time around, cette temps ici, when he comes back, quand il revient, he is not going back to the cross. Il ne retournera plus à la croix. He's not. No. He's not. No. If we want to be born again, si tu veux être né de nouveau, Let us be born again with this first Calvary, this one here. Soyons nés de nouveau avec le premier calvaire, celui-ci ici. This one, celui-ci. Don't wait for another Calvary. N'attendez plus un autre calvaire. The church, l'église, in Congo, au Congo. When I look at you, quand je vous regarde, it's as if you are crying to Jehovah. C'est comme si vous criez à l'Éternel. Telling Jehovah, dis à l'Éternel, Jehovah, oh Jehovah, can you send Jesus to go back to the cross? Est-ce que tu peux encore envoyer Jésus d'aller encore à la croix? Return him to the cross. Ravale à nouveau à la croix. Return. Retourne à la croix. Because look, parce que regarde, the first calvary is not enough for me. Le premier calvaire n'est pas suffisant pour moi. It is a message of repentance. C'est le message de la repentance. The Lord is calling for repentance. Le Seigneur demande la repentance. He's saying, il dit, that the midnight is near. Que minuit c'est proche. And we must change the gospel. On doit changer le message. From the gospel of prosperity. De l'évangile de la prospérité. To the gospel of the blood. À l'évangile du sang. The gospel of the blood of Jesus. L'évangile du sang de Jésus. This is the hour. C'est le moment. For the blood. Pour le sang. The blood. Le sang. Is the power of the gospel. C'est la puissance de l'évangile. All the people going to be healed here today. Tous les gens qui vont être guéris ce soir. It is the blood. C'est le sang. Of Jesus. De Jésus. That is going to heal you. Qui va te guérir. The blood. Le sang. Is the power unto the gospel. C'est la puissance de l'évangile. We cannot be too modern. On peut pas être très moderne. We cannot be too modern. On peut pas être très moderne. And forget the old blood. Et oublier le vieux sang. The cross. La croix. Is the heart of the gospel. C'est le cœur de l'évangile. We must go back. On doit retourner. To the cross. À la croix. And the blood. Et le sang. The Messiah is coming. Le Messie revient. These are the days. Ce sont ces jours. That were announced in the Bible. Qui étaient annoncés dans la Bible. When the blood and the cross would come back. Quand la croix et le sang reviendront. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Listen. Écoutez. When Jesus talked about the midnight hour. Quand Jésus a parlé sur l'heure de minuit. In Matthew 25, dans Matthieu 25, verse 1 to 13, verset 1 à 13, he said, il dit, when the midnight hour will be near, quand l'heure de minuit approchera, there will be two types of churches. Il y aura deux types d'églises. One church, une église, represented, représentée, by the foolish virgins, par les vierges folles. The other church, l'autre église, represented, représentée. By the wise virgin, par les vierges sages, that prophecy, cette prophétie, is being fulfilled today. Est en train de s'accomplir aujourd'hui. If you look at the church, si tu regardes à l'église, there are two churches now. Il y a deux églises maintenant. There are churches where there are false prophets. Il y a une église avec les faux prophètes. There are churches where there are false apostles. Il y a des faux apôtres là-bas. There are churches of prosperity. L'église de la prospérité. And then, et alors, right now, maintenant aujourd'hui, he's establishing, il est en train d'établir, the wise church, l'église sage, and he says, et il dit, that the wise church, l'église sage, has the cross, à la croix, has the blood, à le sang, has the jar of oil, à le vase d'huile, the Holy Spirit, le Saint-Esprit. Have you heard? Avez-vous entendu? Time is over. Il n'y a plus de temps. I have seen the clock inside heaven. J'ai vu l'horloge à l'intérieur du ciel. That clock, only God the Father knows it. Cette horloge, il n'y a que Dieu le Père qui le connaît. I saw it in 2007. J'ai vu cela en 2007. May 3rd. Le 3 mai. At 5:38 a.m. À 5:30 du matin. How to translate for you? Comment traduire pour vous? What 1 minute in heaven means here? Comment une minute au ciel veut dire ici? That I don't know. Je peux pas faire cela. That I cannot do. Je peux pas faire ça. Because he says nobody knows. Parce qu'il dit personne ne connaît. the day, le jour, or the hour, or l'heure. However, malgré ça, the message is clear. Le message est clair. The message says, le message dit, time is over. Il n'y a plus le temps. Let us prepare. Préparons-nous. Hallelujah.